pase kabakoy dini nou kan ko fransi musolu kan ko fransi C'est car l'on fournit qu'elle a le lanier français. Allah Akbar. Mbalemao, à la main belle à Denis sur la Yamana d'ici, c'est belle là. Kassoudou Napolo Dama. L'Afrique pleure. Bonjour, Mariamba.